Le mensonge de Geneviève par Paul Yonka. Geneviève, j'ai bien soif. La jeune fille abandonna le feston qu'elle brodait près de la fenêtre aux dernières clartés du jour mourant et se rapprocha vivement du lit d'où partait cette demande plaintive. Je vais vous donner de la tisane, grand-mère. Mais la convalescente secoua doucement sur les oreillers sa tête plate encadrée de bandes d'argent. Oh, de la tisane, j'en ai tant pris. « Sais-tu ce que je voudrais boire, Geneviève ?» Celle-ci sourit. « Je ne m'en doute pas, grand-mère. Pourtant, j'ai un peu peur que vous n'abusiez du droit que vous avez d'être gâtée maintenant. Enfin, parlez, si c'est possible. Si je peux vous satisfaire sans enfreindre les prescriptions du docteur, je le ferai, je vous le promets. » Avec des doigts de caresse, elle effleurait la chevelure blanche de l'aïeul qui la regarda tendrement. « Oui, tu es une bonne petite fille. » Comme tu m'as soignée, ma chérie. Eh bien, j'ai envie précisément de ce que tu me donnais quand j'étais très, très malade. Il me semble que c'était bon et frais. Tandis que cette odieuse tisane me répugne, je n'en veux plus du tout. Geneviève s'était assombrie. Mais grand-mère, quoi, ma chérie? Tu n'as pas refusé de me servir à présent que je suis guérie, ou à peu près, la boisson rafraîchissante que l'on m'a prodiguée quand j'étais en danger? Non, c'est-à-dire... Enfin, savez-vous ce que c'était, grand-mère, cette boisson rafraîchissante? Puisque je te le demande, eh bien, c'était du champagne. Ah! Je m'explique la préférence que je lui accordais sur toutes les affreuses drogues dont on m'avait abreuvé. J'en prendrai encore volontiers. C'est que, balbutia Geneviève, elle allait dire, c'est que le champagne coûte cher. Mais le doux visage de l'aïeul apparaissait et reposait après la grande crise de souffrance, si plein du bonheur de se sentir revivre, que le courage manqua à la jeune fille pour jeter sur cette chère figure, à peine échappée à l'ombre de la mort, le triste reflet des préoccupations matérielles qui secrètement l'accablaient. Aussi se reprit-elle, « C'est que je n'en ai plus. N'est-ce que cela ?» concéda la grand-mère avec l'enfantine obstination des convalescents. « Je saurai m'en passer pour ce soir, mais tu m'en achèteras demain, n'est-ce pas, ma petite Geneviève, c'est promis. » Geneviève hésitait, le cœur serré. Ce que voyant, la bonne vieille se fit persuasive. « Oh, je ne compte pas le boire pur. Avec de l'eau, même beaucoup d'eau, c'est excellent, le champagne. Cela désaltère mieux que tout. Et j'ai toujours soif. Et j'ai faim aussi. Preuve que je suis en bonne voie, tout à fait. » Une idée, Geneviève. Si je mangeais une aile de poulet. C'est le mets de la convalescence, tu sais. J'en ai assez, des éternels à la coque. Alors, c'est entendu. En achetant le champagne demain, tu penseras à mon aile de poulet. Crois-tu que je vais faire là un bon petit repas? Je suis capable de me remettre sur pied. » Elle levait vers la jeune fille un regard rayonnant d'envie naïve et d'irrésistible prière. Geneviève sentit son âme fondre sous un flot d'impressions indéfinissables où il y avait de l'émotion frémissante et comme un bonheur éperdu. Ce lui était en effet une joie de la retrouver si pareille à elle-même, après la torpeur mortelle de la maladie, cette chère vieille, tout ce qu'elle se connaissait de famille au monde, qui avait gardé un esprit jeune, une vraie gaieté d'enfance à travers tous les désenchantements de la vie. Elle comprenait maintenant combien ils ont raison d'escompter notre soumission à leur fantaisie, ceux que nous chérissons davantage, pour avoir failli les perdre. Et toute vaincue de tendresse, elle mit un long baiser sur les cheveux blancs de l'aïeul. « Soyez tranquille, grand-mère chérie. » Vous aurez votre champagne et votre aile de poulet. » Cependant, si simple que parut la promesse faite à ce léger caprice de convalescente, elle n'était pas pour Geneviève aisée à tenir, et dès le lendemain, elle eut le dur chagrin de constater qu'entraînée par son cœur filial, elle s'était trop engagée. Car sous l'insignifiance des mots se cachait la plus pénible situation. Admirablement jolie et d'éducation parfaite, mais d'une famille absolument ruinée, Geneviève se trouvait être l'unique soutien de sa grand-mère. Pour que la chère aïeule ne manquât de rien, elle avait travaillé infatigablement, donnant des leçons, accomplissant de menues besognes de peinture, se résignant enfin à tous les petits métiers qui sont le lot incertain de celles en qui une sage prévoyance n'a point développé d'aptitude spéciale. La longue et cruelle maladie de la grand-mère, en obérant l'instable budget, avait encore aggravé cet état de choses. De sacrifice en sacrifice, Geneviève en était venue aux travaux manuels, trop peu rétribués pour assurer même le pain quotidien. Et cette dernière ressource allait encore se dérober. on touche à l'été, c'est-à-dire à cette catastrophe annuelle de l'existence ouvrière, la morte de saison. En effet, quand le lendemain matin, Geneviève rapporta son ouvrage au magasin de broderie qui lui confiait des bandes à festonner, ce qu'elle avait obscurément redouté depuis plusieurs jours se réalisa. En lui comptant la modique somme de 5 francs qui représentait son labeur de toute la semaine, la caissière l'avertit que le travail cessait pour ne reprendre qu'à l'automne. La jeune fille s'en retourna l'esprit bourrelé d'angoisse. Elle pensait à l'aïeul, qui, en l'attendant, souriait aux humbles douceurs de la vie retrouvée, et elle souffrait à en pleurer de la déception qu'il fallait lui infliger, de toute cette tristesse dont la chère vieille allait subir le poids, au lieu de goûter le repos, la détente sereine qui font les convalescences délicieuses. Hélas, c'est qu'il ne s'agissait plus de champagne, d'ailes de poulet, ni d'aucune gâterie tendre, c'était la nécessité de vivre qui s'imposait dans sa simplicité brutale, et Geneviève ne savait comment y satisfaire. Ses 5 francs dépensés, elle n'aurait plus rien. Mon Dieu, que devenir ? Elle marchait, la tête basse, morne, comme lorsqu'on aperçoit nul espoir à son horizon, lorsqu'elle s'entendit interpeller. « Eh bien, mademoiselle Geneviève, vous ne regardez pas les annonces aujourd'hui ?» La jeune fille était tellement enfoncée dans ses tristes réflexions qu'elle venait de passer sans la voir devant la mère Xavier, brave femme qui vendait des journaux au coin de la rue qu'elle habitait, et qui, par une de ces charités délicates qu'ont les pauvres en faire les plus pauvres qu'eux, lui permettait de consulter chaque jour les lignes de publicité, afin de ménager à l'épreuve de cette jeunesse l'incessant renouveau de l'espérance, et qui sait, quelques frêles chances de bonheur. À cette discrète assistance de la mère Xavier, Geneviève avait dû bien des modestes aubaines, et jusqu'à ce travail de broderie qui allait tant lui manquer. Alors, en une de ces superstitions familières à ceux qui souffrent, elle se plut à penser que la cordiale invitation jetée à travers sa détresse intime contenait peut-être un mystérieux appel du sort. Et se rapprochant avec empressement, elle parcourut sur l'étalage même du kiosque les journaux que la marchande lui tendait avec un bon sourire. Tout à coup, elle eut un éblouissement. Tentatrice, l'annonce suivante flamboyait sous ses yeux. « On demande, jeune fille, non professionnelle, type très pur, pour poser la tête chez peintre honorable et distingué. 20 francs la séance de 2 heures pendant tout l'été. » Se présenter à l'atelier de Robert Nanteuil, 250 avenue de Villiers. 20 francs la séance, et pendant tout l'été, si elle y allait. Elle serait pour longtemps libérée de tout souci, et les moindres fantaisies de la chère convalescente pourraient être accomplies. Un instant, toutes ces délicatesses se révoltèrent. Elle, modèle, est-ce que c'était possible? Mais aussitôt, son bon sens naturel et la nécessité impérieuse lui représentèrent qu'elle se laissait abuser par la trivialité convenue du mot. En réalité, il s'agissait de prêter à un artiste le concours d'un ensemble de physionomies point rencontrées par lui sans doute chez les modèles vulgaires. Quoi de plus correct? Si elle faisait faire son portrait, ne faudrait-il pas qu'elle posât ainsi? Allons, un peu de courage, Geneviève. D'ailleurs, elle n'osait pas rentrer les mains vides, affronter le regard déçu de grand-mère. Et le cœur tremblant, mais l'allure ferme, elle se dirigea vers l'avenue de Villiers. Le peintre Robert Nanteuil se promenait dans son atelier en fumant une cigarette d'un air absorbé, presque sombre. Le rapprochement de ses sourcils, la contraction de son visage, d'ordinaire d'une gaieté souriante, indiquaient que le jeune homme, comblé par la fortune et de naissant succès, se trouvait sous le coup d'un obsédant ennui. Benoît, vieux valet de chambre qu'il avait vu tout enfant, ne put s'empêcher d'en faire la remarque. On dirait que M. Robert n'est pas content, risqua-t-il en insinuant un plumeau respectueux parmi la fragilité d'objets d'art épars sur une console. Robert, au fond, ne demandait pas mieux que de s'épancher devant le fidèle domestique, qui, jouissant des privilèges dus à ses longs et loyaux services, ne se privait pas de lui faire de la morale, et au besoin, de lui donner des conseils. Aussi, sans tarder, répondit-il à l'invite, « Je crois bien que je ne suis pas content. Je suis même d'une humeur exécrable. Ça n'arrange rien, » assura judicieusement Benoît en ramassant la cigarette, à peine entamée que le jeune homme venait de jeter d'un geste brusque, pour mieux souligner la vérité de sa présente disposition morale. « C'est donc que l'annonce n'a pas produit les résultats que monsieur attendait ? » Le peintre haussa les épaules avec dépit. « Ah oui, l'annonce !» Il m'en est venu depuis 8 jours des jeunes filles de toutes les couleurs et de toutes les catégories, des brunes, des blondes, des rousses. Mais flûte, aucune n'a le galbe, la ligne, l'expression de pureté idéale qu'il me faut pour ma figure de la candeur. Ah, c'est que, vois-tu, Benoît, ça ne court pas les rues, la candeur. Si je savais où aller la chercher encore, c'est l'impossible que je rêve aussi. Un front sur lequel aucun nuage n'a passé, des yeux où tiendrait un peu de l'infini du ciel, un sourire qui... Un timide coup de sonnette interrompit l'énumération lyrique. Son plumeau à la main, Benoît marcha vers la porte. « Bon, » fit-il, encourageant. « La voilà peut-être, monsieur Robert, la demoiselle que vous espérez. Et en tout cas, prenez patience, vous trouverez, allez, il y a de tout à Paris, même de la candeur. » Sur cette conclusion qui témoignait d'un optimisme facile ou d'une philosophie profonde, Benoît disparut pour aller recevoir la visite inconnue, et le peintre demeura immobile au milieu de l'atelier, le cœur palpitant d'une curiosité frémissante. Arrivait-elle enfin, celle qui incarnerait son instinctive recherche d'homme en même temps que son pur rêve d'artiste? La porte se rouvrit, et Benoît reparut, introduisant une jeune personne svelte, élégante d'allure dans une modeste toilette, et dont une voilette épaisse, attachée au petit chapeau canotier, ne laissait point deviner les traits. « Monsieur, » dit-elle d'une voix qui s'étranglait d'émotion, « je viens au sujet de l'annonce que j'ai fait insérer dans les journaux, n'est-ce pas ?» termina Robert, du ton de douceur courtoise, qu'en garçon bien élevé, il apportait dans les relations avec les femmes, quelle que fût leur condition. « Ne vous troublez pas, mademoiselle, c'est la chose la plus simple du monde. Voulez-vous ôter votre chapeau ?» Geneviève obéit, silencieuse, avec des doigts tremblants. Et aussitôt, le peintre resta charmé devant une exquise figure d'un noble parfait, dont la carnation laiteuse s'éclairait encore du scintillement de deux yeux incomparables, d'un gris azuré, où il y avait de l'innocence, de la mélancolie et du songe, toutes les douceurs divines de l'âme qui s'ignore. Quand la joie lui permit enfin de parler, il s'écria « Oh, merci d'être venu. Je vous devrai la plus belle œuvre de ma vie. Soyez assez bonne. Pour me laisser commencer tout de suite, je vous en prie. » Elle acquiesça, heureuse et détendue. Il avait saisi un fusain, transporté de cette fièvre qui s'empare de l'artiste lorsqu'il croit tenir son idéal, et il jeta les premiers traits de l'esquisse, tandis que Benoît se retirait en se frottant les mains. Moins de 3 heures après, Geneviève, ravie, contemplait l'aïeul qui, assis sur son lit, le buste appuyé contre les oreillers, buvait quelques gouttes de champagne avec beaucoup d'eau et dégustait une aile de poulet toute ragaillardie par la gourmandise naïve des convalescents en déclarant à sa petite-fille qu'elle se lèverait le lendemain. « Alors, mademoiselle Geneviève, » demandait Robert 3 mois après, en caressant du bout de la brosse sa candeur presque achevée, « vous ne voulez vraiment pas m'apprendre votre nom ni votre adresse ?» Geneviève détourna la tête. « Je vous en prie, monsieur Robert, n'insistez pas. Vous ne savez pas combien vous me peinez. » « Je n'insiste pas, puisque ça vous fait perdre la pause. Mais ce n'est pas bien de vous cacher ainsi d'un ami. Si vous croyez que je ne suis pas peiné aussi, moi, à la pensée que nous allons nous séparer de la sorte, après tant de bonnes journées si cordiales, je resterai éternellement votre obligé, oui, l'obligé de votre pure beauté, qui m'a été une inspiratrice si rare, et vous ne voulez même pas que je puisse vous envoyer une fleur au jour de l'an. Un rappel de souvenirs de loin en loin. Vous ne me gardez donc ni estime, ni sympathie. » À ces mots, de grosses larmes affluèrent aux paupières de Geneviève, mais elle les empêcha de couler. Elle ne pouvait pourtant pas avouer qu'elle ressentait un déchirement obscur de quitter, pour ne le revoir jamais, ce grand beau garçon qu'il avait conquise, presque à son insu, par ses façons polies, sa gaieté, ce prestige de la douceur dans la force, qui capte sûrement le cœur féminin. Et alors, courageusement, elle s'efforça de plaisanter. « Ne prenez pas les choses au tragique, monsieur Robert. Ce n'est que dans 2 ou 3 jours que nous nous dirons adieu, et qui sait ce qu'il peut survenir d'ici là ?» Cet entretien, très différent par le ton comme par la forme, de ceux échangés d'ordinaire entre un peintre et son modèle, résume fidèlement l'habituelle conversation de Robert et de Geneviève. L'artiste ne savait rien d'elle, et journellement la taquinait sur un mystère qui, l'ayant amusé d'abord, l'irritait à présent d'une petite souffrance. À ces questions, Elle avait répondu, non sans embarras, qu'elle était couturière et vivait avec sa grand-mère. Mais l'absence de piqûre à ses doigts menus, l'instruction étendue qu'elle trahissait lorsqu'elle s'oubliait à causer, tout en elle prouvait au peintre qu'elle ne disait pas la vérité. Et comme elle lui avait inspiré un intérêt dénué de toute galanterie banale, il s'était promis de savoir. C'est pourquoi Geneviève, quand elle partit ce jour-là, d'une allure de fuite, ne se douta pas qu'elle était discrètement suivie. Le lendemain, environ une demi-heure après qu'elle eut quitté sa demeure pour se rendre à l'atelier de Robert, ainsi que chaque matin, celui-ci, qui l'avait guetté, se détacha du renfoncement hospitalier de la porte cochère d'en face et pénétra dans l'allée d'où la jeune fille était sortie. « Mademoiselle Geneviève ?» demanda-t-il à la concierge. À la manière dont cette dernière dévisagea le jeune homme, il était facile de constater que la jeune fille ne recevait pas souvent de semblables visiteurs. « Elle est sortie, » dit enfin la digne femme, son examen terminé. « Pourrais-je du moins voir sa grand-mère ?» La concierge s'humanisa. Ce n'était pas là, un séducteur. « Certainement, monsieur. Au troisième, la porte à gauche. « Merci, » fit Robert. Et il sourit, pensant avec un plaisir imprécis. « Allons, elle a bien gardé ma candeur. » Puis il s'interrogea. « Qu'est-ce que je vais lui dire, moi, à cette bonne grand-mère ? C'est que je n'en sais rien du tout. Bon, nous verrons bien. » Ce fut une vieille dame au visage frais et candide sous ses cheveux blancs qui répondit à son coup de sonnette. « Est-ce à la grand-mère de Mademoiselle Geneviève que j'ai l'honneur de parler ? » s'enquit-il pour la forme, tant il était impossible de se méprendre à l'expression intraduisiblement jeune et charmante qui rendait pareil, à tant d'années de distance, les figures de l'aïeul et de la petite fille. « À la baronne d'Espagnac, oui, monsieur, » répondit la grand-mère souriante. « Vous avez sans doute fait la connaissance de Geneviève chez le grand peintre Robert Nanteuil. Donnez-vous donc la peine d'entrer. » Ahuri d'abord par le nom qu'il apprenait, puis agréablement chatouillé dans son amour-propre d'artiste, Robert fut sur le point de s'écrier « Le grand peintre Nanteuil, c'est moi-même. » Mais quelque chose le retint, et il suivit la vieille dame dans un petit salon où, lui désignant un fauteuil, elle s'installa au fond d'une vaste bergère, en babillant avec cet exquis entrain des gens âgés dont le cœur a gardé une fraîcheur de printemps. « Si vous voulez causer avec Geneviève, monsieur, il faudra revenir. Elle est chez monsieur Nanteuil. Quel excellent homme, n'est-ce pas, monsieur ? Comme il paye généreusement les leçons que ma petite fille donne à ses enfants. Ah, elle a eu du bonheur de rencontrer cette famille, car, pourquoi ne l'avouerais-je pas, monsieur ? Quand Geneviève a été agréée comme institutrice chez M. Nanteuil, nous traversions un bien mauvais moment. Je venais d'être très malade et pour me soigner, ma pauvre chérie avait épuisé ses dernières ressources. Pensez donc, monsieur, que c'est à cause de moi qu'elle travaille tant, la mignonne. Lorsque nous avons quitté notre midi, vendu notre pauvre propriété dévastée par le phylloxéra, Geneviève s'est mise en tête de gagner sa vie et la mienne. Et elle y a réussi, la chère enfant. Mais j'espère bien que son dévouement à sa vieille grand-mère lui portera bonheur. Le croyez-vous, monsieur ? Robert écoutait, indiciblement ému. Il comprenait à présent le mystérieux silence de Geneviève et le pieux mensonge par lequel sa sollicitude filiale évitait à l'aïeul la suprême humiliation de la savoir modèle, elle, une d'Espagnac. Il se leva et prit congé, certifiant dans un respectueux salut. « Je crois, madame, que mademoiselle Geneviève mérite d'être heureuse, et qu'elle le sera. » Cependant, la jeune fille, qui avait trouvé dans l'atelier une lettre du peintre la priant d'attendre son retour, commença à s'étonner de cette absence prolongée lorsque Robert rentra. « Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre, mademoiselle Geneviève, » dit-il avec une malice attendrie. « Je me suis attardé en la compagnie de madame d'Espagnac, à cause des charmants petits Nanteuil et de leur plus charmante institutrice. » Geneviève s'empourpra. Elle joignit les mains dans un geste de supplication affolée. « Ah, mon Dieu ! Vous avez vu grand-mère, monsieur Robert. Mais vous ne lui avez pas raconté, au moins. » Il s'était rapproché et s'emparant des petites mains tremblantes. « Moi, je n'ai rien raconté, » dit-il. « C'est grand-mère qui a parlé tout le temps. Et tandis qu'elle parlait, je pensais combien ce serait bon d'être aimé par le cher cœur dévoué de cette Geneviève qui se dispose à me fuir alors que je serais tant heureux de la garder ici pour toujours. Ah, si elle consentait à être ma femme. Dites, ma Geneviève adorée, le voudrez-vous ? » Elle bégayait, sans parole, devant ce grand bonheur qui tombait dans sa vie, et tout à coup, elle se mit à pleurer. Mais en même temps, le souvenir de son pieux mensonge l'assaillit, et elle s'écria. « Qu'est-ce que je veux dire à grand-maman ?» Elle n'acheva pas, Robert lui fermait la bouche d'un baiser, le baiser des heureuses fiançailles, et l'on remit à plus tard de chercher ce qu'on dirait à la vieille grand-mère. C'était « Le mensonge de Geneviève » par Paul Juncker.